Le problème d'identité chez l'homme, c'est un problème mondial. C'est un problème qui est permanent tant que l'homme est dans l'évolution. Ça fait partie de l'évolution, lui. Et c'est terriblement retardataire parce que ça empêche l'homme de savoir. Ça empêche l'homme de savoir. Si tous les gens dans la salle pouvaient se fier à ce qu'ils savent, à ce qu'ils sentent, ils seraient bien à leur place.